Du coup, on va passer à la dernière intervention de la journée avec Breno qui vient nous parler de la situation préoccupante au Brésil. Donc, juste avant, je vous rappelle que n'importe qui peut venir faire une intervention ici sur n'importe quel sujet, hein, une réflexion, une pratique, une pensée, tout ce que vous voulez. Donc, vous venez nous voir ou vous envoyez un mail et on vous écrit sur le cahier d'organisation. Voilà, on a aussi, si vous souhaitez poser des questions anonymes, en fait, on y répond tous ensemble, souvent le samedi à 16h. Et puis, ça peut intéresser certains, en fait, on fait des journées thématiques à l'éducation populaire. Donc, ce week-end, en fait, on a samedi une journée thématique, on a une journée thématique samedi à partir de midi sur le TAFTA. Et dimanche, une journée thématique sur les violences faites aux femmes à partir de 14h. Et le week-end du 18 juin, a priori, on confirmera, on fera une journée thématique sur la santé, la psycho, voilà, psy soins santé en gros. Merci. Et donc on va tout de suite accueillir le prochain intervenant sur la question du Brésil. Bonsoir à tous. Alors, cette conférence va être en espagnol et ici nous avons un charmant monsieur qui va traduire en français. Voilà. Et juste avant, je fais donc une annonce par rapport au papier qui vient nous être donné. Donc, il y aura une grande marche de la colère dimanche 4 juin 2016 de 13h à 20h au départ de. Le 4 juin, au départ de Place de la République jusqu'à la Place du Châtelet, donc une grande marche de la colère, si vous voulez y participer, il y a des tracts qui sont distribués. On va commencer la conférence, donc on a la parole à Breno Bringel, qui vient tout droit de Rio de Janeiro, qui nous parlera donc en espagnol. Vale, gracias. Bonsoir, je suis très content d'être ici à la Place de la République. Mon français, ce n'est pas bon, sauf Geoffrey, je traduis en espagnol. Et je vais parler en espagnol, aunque je venga de Brasil. Llegué de Brasil ayer. Y quisiera, bueno, compartir un poco con vosotros, con vosotras, la situación política, ¿no?, que vive Brasil ahora, muy delicada, tras vivir un golpe de Estado algunas semanas atrás. Donc, bonjour à tous, je suis très content d'être ici. Je suis arrivé de Rio de Janeiro hier, et donc j'aimerais partager avec vous quelques éléments sur la situation très préoccupante du Brésil, où a eu lieu un coup d'État. Et donc je vais vous parler de ce qui s'est passé récemment avec le coup d'État, mais aussi ce qui s'est passé auparavant avec les mouvements sociaux et de ce qui s'est passé au cours des dernières semaines en particulier. Bueno, creo que en primer lugar lo que habría que pensar es que lo que pasa en Brasil ahora no es algo simplemente específico de Brasil, sino que se enmarca dentro de una ola mayor de desestabilización política en América Latina. Donc, ce que j'aimerais d'abord dire, c'est que ce qui se passe aujourd'hui au Brésil, c'est à la fois spécifique au Brésil, mais surtout, c'est pas si spécifique que ça, pardon. Parce que c'est aussi, il faut le comprendre dans le cadre de ce qui se passe aujourd'hui en général dans la géopolitique de l'Amérique latine. Et je fais un petit break pour vous demander de vous asseoir, en fait, comme ça on pourra tous s'asseoir, tout le monde pourra écouter bien mieux, et ce sera plus pratique pour tout le monde. C'est un mot ? Si. Hemos tenido en los últimos años varios intentos fallidos de golpe de Estado, de desestabilización política, primero en Venezuela en 2002, luego hemos tenido también un intento de golpe de Estado en Bolivia en el 2008 y otro en Ecuador en el 2010. Donc ça s'inscrit dans le cadre du contexte géopolitique latino-américain dans lequel il y a eu plusieurs tentatives de coup d'État qui n'ont pas réussi au début. Notamment au Venezuela en 2002, en Équateur en 2010 et j'ai oublié un pays au milieu. En Équateur en 2010 et el tercero. Bolivia. Et en Bolivie. Ah. Pero también hemos tenido otros tres golpes de Estado que sí funcionaron, sí fueron adelante. El primero de ellos fue en Honduras, ¿no? Os acordaréis en 2009 el golpe contra el gobierno del presidente Manuel Zelaya. También tuvimos tres años después, en el 2012, un golpe contra Lugo en Paraguay y este año tocó Brasil. Mais à côté de ces coups d'État qui n'ont pas réussi, il y a aussi eu trois coups d'État qui ont réussi. Vous vous rappelez sans doute du coup d'État en 2009 au Honduras contre le président Zelaya, le coup d'État au Paraguay contre Lugo en 2012 et puis cette fois-ci au Brésil. En estos procesos hay una disputa que es semántica y que es política sobre qué tipo de golpe de Estado son estos, ¿no? Los golpistas no les gusta que se les llamen golpistas, ¿no? Y han encontrado otros nombres, otros títulos para definir estos procesos de ruptura político-institucional, vacío de poder o impeachment, por ejemplo. Et donc il y a une vraie dispute qui est à la fois politique et épistémologique sur ce qu'est un coup, puisqu'évidemment ceux qui font ce coup d'État n'aiment pas beaucoup qu'on dise attention, c'est un coup d'État. Et donc ils disent, par exemple, ils veulent employer d'autres termes, comme par exemple une rupture de... cette fois-ci c'est l'impeachment, donc c'est, je ne sais même pas qu'on dit impeachment en français. Destitution, voilà, destitution, merci. Ou sinon c'est vide de pouvoir. Donc ils utilisent d'autres termes pour cacher un peu que c'est un coup d'État en fait. Sin embargo, claro, hablar de un golpe de Estado aquí en Francia, donde se inventó el término y donde de alguna manera hay toda una historia relacionada a esto, casi es una ironía, ¿no? Los golpes de Estado no son simplemente dados por los militares, ¿no? Casi todas las definiciones de golpe de Estado tienen que ver con rupturas repentinas, muy rápidas, ¿no? Institucionales, en las que hay una destitución por parte no solo de los militares, pero sino también de las élites políticos, económicas que están dentro del Estado, dentro del poder, contra un gobierno que ha sido legítimamente, ¿no?, instituido. Et donc, en fait, parler ici en France, où le terme même de coup d'État a été inventé, d'un coup d'État, c'est un peu ironique. Mais en fait, il faut savoir aussi qu'un coup d'État, c'est pas simplement, n'est pas seulement fait par des militaires. En fait, c'est une rupture forte du contexte institutionnel qui est faite par des militaires, bien sûr, si et par les élites politiques, économiques et peut-être un peu médiatiques. Sí. Porque en Honduras sí hubo una presencia fuerte de los militares, pero en Paraguay y en Brasil no. Lo que pasó ha sido un golpe jurídico, mediático, en el cual, ¿no?, a partir de un mecanismo legal, formal, ¿no?, se ha logrado de alguna manera destituir de manera muy rápido tanto a Lugo como a Dilma. Donc au Honduras, oui, les militaires ont eu un impact. En fait, ils ont participé au coup d'État très clairement, très directement, mais pas au Brésil ni au Paraguay. Là, au contraire, c'était plutôt des coups d'État qui se sont appuyés sur un petit élément légal pour ensuite faire un coup d'État qui est à la fois juridique et médiatique. Et donc pour ce faire, un élément légal qu'il va expliquer pour le Brésil. Mais ensuite, à partir de cet élément légal, il y a un vrai coup d'État qui se fait. Son golpes dados por el legislativo al ejecutivo. Y el legislativo, el poder legislativo tiene mucho poder en Brasil hoy, ¿no? Son des coups d'État qui sont faits par le pouvoir législatif contre le pouvoir exécutif. Et en l'occurrence au Brésil, aujourd'hui, le pouvoir législatif est très important, il y a beaucoup de pouvoir. Está dominado por los sectores más conservadores de la sociedad brasileña que quieren mantener una fachada democrática, pero a la vez que hacen esto, profundizan todo un discurso profundamente antidemocrático. Donc au Brésil en particulier, ils sont dirigés par une élite. Donc le Parlement est très contrôlé par une élite qui est économique essentiellement, qui veut maintenir une légalité de façade, mais qui en fait derrière ça, ils font des choses qui sont totalement illégales et antidémocratiques. Esto ha producido entonces en los últimos años una ruptura con el ciclo de gobiernos progresistas. Et donc au cours des dernières années, ça a produit une rupture avec le cycle de gouvernement progressiste. Ha aumentado la militarización de la región. Ha incrementado también, de alguna manera, la protección a las empresas transnacionales. Ça a augmenté la militarisation de la région, mais aussi la protection qui est donnée aux entreprises transnationales dans la région. Y ha permitido también un mayor control tanto del aparato mediático como judicial. Et cela a aussi permis un contrôle beaucoup plus fort de l'appareil médiatique et judiciaire. Eso es lo que pasó en los últimos años de manera muy general, ¿no? Pero quizás la pregunta principal que tenemos que hacer es cómo hemos llegado a esto, por qué esto ocurrió y cuáles son las alternativas. Et donc ça, c'est un panorama assez général aujourd'hui en Amérique latine. Mais à partir de là, il faut se poser la question, pourquoi est-ce que c'est arrivé, comment est-ce que ça a été préparé en quelque sorte, et quelles sont les alternatives? El cambio de siglo fue un cambio repleto de esperanzas en América Latina, ¿no? Tras la caída del muro de Berlín, cayó también el muro del silencio. Le changement de siècle, donc le début des années 2000, fut le début d'un cycle avec beaucoup d'espoir. Après la chute du mur de Berlin, en Amérique latine aussi, on peut parler de la chute du mur du silence. En este proceso, en 2002, a partir de grandes movilizaciones sociales, gana las elecciones por primera vez en Brasil la izquierda, centro-izquierdo, al menos un gobierno que venía del campo popular. En 2002, au Brésil, pour la première fois, un gouvernement des forces qui viennent de la gauche, du centre-gauche, ou au moins des forces qui se sont construites dans le secteur populaire, sont arrivées au pouvoir, au gouvernement. Pero el gobierno de Lula, en sus 8 años, en sus 2 legislaturas, ha estado marcado por una profunda ambivalencia. Por un lado, más democratización, pero por otro, más neoliberalismo. Mais en fait, finalement, le gouvernement de Lula... Vous l'avez peut-être éteint, voilà, des fois ça... Le gouvernement de Lula a été marqué par une grande ambivalence, qui était d'un côté bien sûr plus de démocratisation, mais de l'autre aussi plus de néolibéralisme. Se trató de una confluencia perversa, ¿no? Por un lado, habían políticas sociales dirigidas a los más pobres, a los más empobrecidos, había reconocimientos de las minorías sociales, pero por otro, una política explícita también de enriquecimiento de los bancos, del gran capital. C'était une politique un peu perverse, puisque d'un côté, il y avait bien sûr une reconnaissance des pauvres, des minorités culturelles, et aussi une redistribution d'une partie de la richesse, hein, avec le programme Bolsa de Familia, par exemple. Et en même temps, de l'autre côté, il y a un réel enrichissement qui s'est fait, notamment pour les banques et pour les grandes entreprises et de la minorité la plus riche du Brésil. Se trató de un modelo win-win, donde todos deberían ganar. Un modelo basado en el gobierno de un consenso de clases. Un modèle suivant lequel on dit que tout le monde devait gagner. Un modèle qui était supposé être gagnant-gagnant, où toutes les classes sociales devaient gagner. En este contexto se disminuyó la pobreza en Brasil, pero se aumentó las desigualdades. Y dans ce contexte, la pauvreté a diminué au Brésil, mais l'inégalité a augmenté. Los movimientos sociales al principio del gobierno Lula dieron un margen de maniobra, de esperanza para que pudiera gobernar, pero pronto se dieron cuenta de que no era un gobierno afín al campo popular. Et donc les mouvements sociaux, surtout au début, ont eu beaucoup d'espoir et ont laissé une large marge de manœuvre au gouvernement de Lula, mais rapidement ils se sont rendu compte que c'était pas un mouvement qui était si proche des secteurs populaires comme ils le disaient. En 2008, ganan las elecciones Dilma, que fue la figura que Lula colocó en la presidencia, pero con un escenario bastante distinto. En 2008, donc après 2 législatures de Lula, c'est Dilma Rousseff qui a gagné les élections, mais dans un panorama très différent. Je crois pas que c'est 2008. Sí. Por un lado, había un agotamiento del modelo económico neodesarrollista, ¿no? Basado profundamente en la exportación de commodities y en el extractivismo. D'un côté, c'était un modèle de développement très extractiviste, comme on dit en Amérique latine, donc basé sur les ressources et l'exploitation des matières premières. Et por otro lado, un agotamiento del modelo político, del pacto político interclasista que se llevó a cabo durante los años de gobierno Lula. Et donc, je me suis un peu trompé avant, donc en fait, ce modèle de développement extractiviste était venu à sa fin, en tout cas, il était interrogé, il ne fonctionnait plus aussi bien qu'auparavant, il s'est épuisé. Et donc, au niveau du modèle économique, et en même temps, il y a un épuisement aussi du modèle politique d'intégration du PT. La crisis de 2008, de alguna manera, también llegó a Brasil. No era tan fácil ganar tanto y hacer ese tipo de políticas. Y Dilma empezó a tener un gobierno muy impopular, tanto para la izquierda como para la derecha. Finalement, la crise économique internationale est aussi arrivée au Brésil. Et donc, ce qui fait que le modèle économique était très difficile. Et donc, Dilma est arrivée au gouvernement et était rapidement peu populaire à gauche comme à droite. Esta insatisfacción popular tuvo como ápice, como principal momento, grandes movilizaciones en junio de 2013 en casi todas las ciudades brasileñas. Et cette grande... Bracelet, quoi? Quoi? J'ai vu le bracelet, toi? C'est moi, après. Tu vas chercher le bracelet, toi? Bon. Donc cette grande mobilisation, cette insatisfaction face au gouvernement de Lula, de Dilma Rousseff, a notamment été très visible lors des mouvements de juin-juillet 2013, autour où il y a des mobilisations dans toutes les villes du Brésil. Eso llevó a movilizaciones muy masivas. En Río de Janeiro, por ejemplo, donde yo vivo, hubo más de 1 millón de personas en las calles durante mucho tiempo. Movilizaciones de plazas, de calles, que se parecían mucho, de alguna manera, a las que también hubo en el ciclo de los indignados en el 15M y en otros países del mundo. Et donc il y a eu un mouvement très très important dans tout le Brésil, notamment en Rio, dans la ville dans laquelle il vit. Il y a eu plus d'un million de personnes dans les rues, et donc c'est à travers tout le Brésil, et qui est un mouvement qui est en même temps des manifestations, mais aussi des occupations de places, comme le 15M en Espagne, ce qu'on appelle en France les alignés. Eran manifestaciones y movilizaciones nuevas que sorprendieron mucho a la sociedad brasileña, porque no eran convocadas por los actores tradicionales, por los movimientos de izquierda, ni siquiera por ninguno de los partidos o sindicatos conocidos. Ce qui était spécifique, particulier, intéressant, ces mobilisations, c'est qu'elles n'ont pas été convoquées par des partis, par des syndicats, une de ces structures existantes, mais au contraire, c'était des citoyens qui descendaient dans les rues. Lo que unía a esta gente, que coexistía en el mismo espacio, en las mismas plazas, pero con objetivos muy distintos, era un profundo descontentamiento con el sistema político, con el Partido de los Trabajadores en concreto, con el PT, y este antipartidismo y este antipetismo marcó buena parte de las protestas. Et donc ce qui a uni tous les gens qui se trouvaient dans la rue, donc des millions de personnes, c'était surtout le fait de ne plus être content avec le gouvernement en général, et en particulier le PT qui était au pouvoir, le Parti des Travailleurs, donc de Lula et de Dilma, et aussi un esprit vraiment qui est devenu de plus en plus clairement anti-partisan. Et c'est vraiment contre les partis politiques en résumé, c'est ça qui unissait tout le secteur de tous les gens qui étaient dans la rue en 2013 et qui a continué et a un impact jusqu'à aujourd'hui. Las reivindicaciones eran muy distintas y muy enfrentadas a veces. Por un lado, había colectivos, individuos que, por ejemplo, reivindicaban mejor calidad en el transporte público, mientras otros reivindicaban mayores privilegios para no perder los privilegios que habían conseguido en los últimos años. Et donc les revendications en fait étaient très diverses, disparates, voire même parfois opposées dans ces mouvements, puisque d'un côté il y avait des gens qui revendiquaient surtout les transports publics moins chers, c'est comme ça que le mouvement a commencé à l'époque. Et donc il y a plutôt un projet très social, populaire. Et de l'autre côté, des gens avaient surtout peur de perdre leurs privilèges et donc voulaient être protégés en tant que classe moyenne haute. Una cosa interesante es que en Brasil, desde la redemocratización de los años 70 hasta ahora, hubo una hegemonía marxista-leninista dentro de la izquierda política y social. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que depuis la transition à la démocratie, même avant, depuis les années 70-80, il y a une hégémonie d'une idéologie marxiste-léniniste dans la gauche de la gauche au Brésil. Sin embargo, estas protestas más recientes tenían un carácter mucho más autonomista, mucho más libertario, y que contestaban estos actores de izquierda que habían hegemonizado el campo popular. Mais par contre, en 2013, il y a une rupture par rapport à tous ces modèles, et c'est au contraire des gens qui sont vraiment distingués de tout ça, qui sont un secteur beaucoup plus populaire, et des individus qui ont été sans cette idéologie néolibérale. Por otro lado, había también una nueva derecha que empezó a movilizarse en las calles, empezó a salir también sin ningún tipo de censura a reivindicar, entre otras cosas, la vuelta de la dictadura militar. Et donc en fait, excusez-moi, on m'a posé une question à côté. Et donc, donc ce qui s'est passé en 2013, c'est qu'il n'y avait pas que des gens de gauche, mais aussi des gens de droite qui sont sortis dans les rues pour protester contre le gouvernement de Dilma. Et je pense qu'on va faire une mini pause pour un appel. Je fais un appel rapide parce qu'en fait à la cuisine ils ont besoin de monde pour transporter de la nourriture. Desde entonces la sociedad brasileña está profundamente polarizada. Ce qu'on a vu, c'est une polarisation croissante de la société brésilienne à partir de là en 2013 où les deux côtés ont. Se trata de una polarización real, pero muy simplista. C'est une polarisation bien réelle mais en même temps très simpliste. Es real porque, por ejemplo, todos aquellos de izquierda que salían con una camiseta roja por las calles o negro con algún símbolo de izquierda podrían ser agredidos en las calles por la derecha. C'est une polarisation qui est bien réelle parce que tous ceux qui sortaient dans les rues avec un t-shirt rouge ou un symbole ou noir, avec un symbole communiste ou de, des partis de gauche, peuvent être, ont été pris à partie, attaqués parfois par les par des activistes de droite. Pero a la vez era simplista porque lo que ocurría es que esta polarización puso por un lado una izquierda que defendía el gobierno y una derecha muy radical. En el medio había muchos grupos, muchos individuos, muchos colectivos que no se reconocían en esta polarización. Mais en même temps, il y a une vraie polarisation, mais tous les groupes ne se reconnaissent pas forcément dans cette polarisation parce que entre les gens de plus de gauche et plus de droite, il y a aussi plein de citoyens qui ne reconnaissaient ni dans un pôle ni dans l'autre. Eso quizás explica el por qué cuando empezó el proceso del golpe jurídico mediático no hubo tantas contestaciones contra eso, ¿no? C'est un peu compliqué pour la traduction, excusez-moi. No escuché eso. Esta polarización quizás explica el por qué no hubo tanta contestación al golpe. Et donc cette polarisation très forte parmi les citoyens qui protestaient explique en partie pourquoi il n'y a pas eu de réaction plus forte à ce coup d'État actuel. Bueno, dado el golpe, se abre un nuevo escenario donde parte de los grupos que no se sentían reconocidos en esta polarización empiezan también a salir a la calle, empiezan a movilizarse. Y finalmente, ce n'est que cuando el coup d'État a vraiment eu lieu que des gens se sont remobilisés y qui sont quand même sortis dans la rue, les gens, le secteur donc progressiste de gauche, est finalement sorti dans la rue, mais seulement une fois que le coup d'État avait déjà été réalisé. Esta izquierda más autónoma, más libertaria, que aparece en 2013 y estaba un poco oculta, subterránea, vuelve a las calles. Ce renouveau de la gauche autonome, progressiste, qui était donc n'était pas dans les partis politiques ni dans les syndicats, elle était bien présente, mais elle était beaucoup plus souterraine et elle réapparaît à peine maintenant après le coup d'État. A la vez, se crean dos grandes frentes de unidad nacional de luchas sociales entre los movimientos sociales. Et donc en même temps, à ce moment-là, après le coup d'État, il y a deux grands fronts d'unité nationale qui sont créés contre le coup d'État. El primer frente se llama Frente Brasil Popular y el segundo frente se llama Pueblo Sin Miedo. Le premier front populaire s'appelle le Front Populaire du Front du Brésil Populaire et le second c'est Brésil Sans Peur. Le Peuple Sans Peur. El primero de ellos es un frente que aglutina casi todos los movimientos más antiguos, por ejemplo, el movimiento de los sin tierra, movimientos de trabajadores urbanos, que ya actuaban políticamente desde los años 70, 80 en Brasil. Premier, donc le front du Brésil populaire, c'est un front qui regroupe tous les acteurs qui étaient... C'est un front qui... Non. Un front qui regroupe tous les acteurs. Oui, c'est bon. Ok, oui. Merci. Donc c'est un front qui regroupe tous les acteurs qui étaient déjà très actifs depuis les années 70, comme le mouvement des travailleurs sans terre, donc le MST au Brésil, ou les mouvements des syndicats, non? Ah, et ou les syndicats. El segundo frente, el Pueblo Sin Miedo, aglutina movimientos más recientes que surgen en los últimos años con gran destaque para el movimiento de los sin techos, de luchas urbanas, pero también para pequeños colectivos más culturales y movimientos de jóvenes. Et le deuxième front, c'est donc le Peuple Sans Peur, lui regroupe plein d'acteurs qui ont surgi bien plus tard, y compris en 2013 dans ces mobilisations, les acteurs culturels, aussi des acteurs un peu plus anciens comme le mouvement des sans-toits, des sans-logis. En gros, et beaucoup de jeunes aussi qui sont présents dans ce front du Brésil sans peur. Pero el gran problema que enfrentamos en esto con estos dos frentes de izquierda ahora es que aunque criticábamos mucho al gobierno Dilma por ser conservador, el gobierno que tenemos ahora es mucho más conservador y esto nos pone una agenda más reactiva y de resistencia activa. Et donc le grand problème auquel nous faisons face aujourd'hui au Brésil, c'est que la plupart de ces acteurs, de ces deux fronts qui sont mobilisés aujourd'hui, en fait, critiquaient le gouvernement de Dilma, qu'ils trouvaient déjà beaucoup trop néolibéral. Et par contre, maintenant, on voit bien que quand, avec le nouveau gouvernement qui est arrivé, eh bien, ils sont encore bien plus conservateurs, bien plus néolibéraux. Et donc, c'est quand même c'est tout un défi d'arriver à se mobiliser maintenant contre ce gouvernement, alors qu'il n'était pas, en fait, il ne soutenait pas tellement la politique de Dilma auparavant. Par exemple. El Ministerio de Mujeres fue extinguido. Todos los ministros del nuevo gobierno son hombres, blancos y de clase media alta y conservadores. Deux petits exemples pour vous montrer à quel point ce gouvernement, le nouveau gouvernement d'après le coup d'État, est conservateur. C'est que le ministère des femmes a été simplement annulé. Tous les ministres, il y a 16 ministres, ce sont tous des hommes blancs, très conservateurs et qui viennent tous de cette petite élite très riche du Brésil. Donc il n'y a aucune femme, aucun noir parmi les ministres. El Ministerio de Igualdad Racial también fue eliminado, el Ministerio de Cultura fue eliminado y el Ministerio de Educación se juntó con Comunicación. Wow. Donc le ministère des femmes a été annulé, mais aussi le ministère d'égalité raciale. Le ministère de la Culture, lui aussi, a été annulé, ce qui est assez incroyable. Et le ministère de Sciences et Technologies, lui, a été rapproché du ministère de la, a été fusionné avec le ministère de la Communication. Además, hay un frente mucho más represivo. Hay mucha más criminalización y más persecución a los movimientos organizados ahora. Et non seulement il y a ce changement au niveau des ministres, en plus on voit qu'il y a beaucoup plus de répression et qui s'adresse de criminalisation des mouvements sociaux et en particulier de ceux qui contestent aujourd'hui, qui protestent aujourd'hui contre le gouvernement. Esta represión obviamente ya no está solo en las calles y en las manifestaciones. Ayer, por ejemplo, dos compañeros del MST, del Movimiento de los Sin Tierra en Brasil, estaban dando clase en un espacio parecido como este en Río Grande do Sur, en un círculo de educación popular y fueron detenidos por la policía. Et cette criminalisation, cette répression n'est pas seulement dans la rue quand il y a des manifestations, c'est aussi une répression à tout moment. Par exemple, deux compagnons du mouvement des Sans Terre étaient en train de donner des cours hier dans un espace ouvert, un peu comme celui-ci, et ils ont été tous les deux arrêtés pendant qu'ils donnaient cours. Con eso, hay una agenda de medio largo plazo que se ha dejado de lado y toda la agenda prácticamente es una agenda defensiva, reactiva del corto plazo para no perder los derechos que hemos conquistado históricamente. Et donc du coup, l'agenda des mouvements sociaux, des acteurs protestataires a été réorganisé. Ils ont un peu mis en sourdine l'agenda de moyen et long terme pour vraiment essayer de se concentrer sur l'agenda de court terme qui est de défendre les quelques acquis sociaux qu'ils ont pu conquérir depuis que le PT est au pouvoir et qui sont menacés tous les jours aujourd'hui. Pero no todo está perdido, compañeros. Hay también un montón de experiencias interesantes que han surgido, ¿no?, en los últimos años, sobre todo en las últimas semanas. Mais tout n'est pas perdu pour autant, gardons l'espoir. Il y a aussi beaucoup d'expériences alternatives qui ont émergé au cours des derniers temps et en particulier des dernières semaines. Os voy a hablar rápidamente y con eso acabo para que podamos discutir un poco dos de ellas. La primera es una gran ola de ocupación de escuelas de secundaria por estudiantes. Et donc je vais juste vous en dire quelques mots pour qu'on ait le temps de discuter. Mais le premier exemple, quelques mots sur deux exemples. Le premier exemple, c'est qu'il y a une très grande vague d'occupation d'écoles, qui sont des collèges et des lycées, notamment à Rio de Janeiro. No son solo en Rio de Janeiro, en São Paulo, en Porto Alegre, en Pernambuco, en el nordeste de Brasil también. En varias ciudades brasileñas hay ocupaciones muy importantes, ¿no? En Rio de Janeiro han sido casi 100 escuelas ocupadas por los estudiantes de secundaria que tienen entre 14 y 16 años. Donc ce n'est pas qu'à Rio, c'est dans de nombreuses villes du Brésil. À Rio, il y a plus de 100 écoles occupées. Et donc ce sont des écoles occupées par des étudiants, des collégiens, des lycéens qui ont entre 14 et 18 ans. Estas experiencias se deben a la precariedad de la educación, de las escuelas, pero también a un total omisión del Estado, ¿no?, en las escuelas y en la educación pública en Brasil. Et donc ces occupations se doivent à la précarité de l'enseignement public qui est vraiment très, très fort au Brésil, mais aussi au fait que ces zones ont été totalement oubliées par les politiques éducatives au Brésil, et donc pendant le gouvernement de Dilma. Así como hicieron los estudiantes chilenos, los estudiantes brasileños de este año también están convirtiendo la escuela no en un lugar de dominación, no en un lugar de reclusión, de libertad, en un lugar... Un peu comme l'ont fait les mouvements étudiants au Chili, le mouvement des pingouins. Et ces mouvements au Brésil cherchent à faire que l'école ne soit pas un lieu de domination et de réclusion, mais au contraire un lieu d'autonomie et de créativité et de liberté. Lo más interesante de estas ocupaciones es la práctica de la autogestión, cómo los estudiantes empezaron ahora no solo a ocupar hacia adentro, pero también a salir hacia afuera, conectándose, por ejemplo, con la huelga que lleva casi 3 meses de todos los funcionarios públicos, incluidos los profesores. Yo también estoy en huelga en Río de Janeiro. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est toutes ces pratiques d'autogestion qui sont faites dans les lycées, non seulement à l'intérieur des lycées, mais aussi à partir de là, les étudiants sortent des lycées pour notamment se joindre à la grève qui a lieu depuis 3 mois des fonctionnaires, et notamment dans le secteur de l'éducation. Et donc lui-même est en grève à Rio. C'est pour ça qu'il est maintenant à Paris. Es un proceso, además, en el que una nueva generación de militantes emerge en Brasil y emerge con un nuevo espíritu de contestación que no tiene ningún tipo de deuda moral con el Partido de los Trabajadores, ningún tipo de deuda moral con la política anterior. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est une nouvelle génération de militants qui se forme aujourd'hui dans ces expériences, une génération de militants qui n'a aucune forme de dette morale ou politique par rapport au gouvernement du PT. C'est une génération qui est différente et qui ne doit pas toujours se référer à ce gouvernement du PT. La mayoría de esas escuelas siguen ocupadas. Otro ejemplo que quería poner, y con eso cierro, es el de las ocupaciones culturales que están ocurriendo en las periferias urbanas de Brasil. Et donc un deuxième exemple, et après je m'arrêterai là, c'est l'exemple des occupations de lieux culturels, et en particulier dans les périphéries des villes brésiliennes. Las segregaciones y las fronteras raciales, de género y de clase son brutales, son muy fuertes en Brasil. La ségrégation en termes de race de classe est vraiment brutale au Brésil. Et en los últimos años y sobre todo en los últimos meses han emergido una serie de experiencias muy interesantes en varias periferias urbanas, por ejemplo de São Paulo, de Río de Janeiro, también de Belo Horizonte. Et au cours des derniers temps, et en particulier des dernières années, des dernières semaines, il y a toute une série d'expériences très intéressantes qui ont émergé dans différentes villes, bien sûr à Rio de Janeiro, mais aussi à São Paulo, Belo Horizonte, et dans différentes villes du Brésil. Expériences qui, de alguna manera, ponen en marcha también no la política clásica, ¿no?, de los partidos y de los sindicatos, pero sino una política que trata de conectar a la gente en los territorios, trata de conectar a la gente en sus propios barrios. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce sont des pratiques différentes, des politiques différentes qui émergent là-bas, des pratiques qui cherchent non pas tellement à connecter les gens à la politique classique, mais plutôt à les reconnecter ou à les connecter à leur territoire, à leur quartier. Prácticas de educación popular, y este es el círculo, ¿no?, de educación popular. Por ejemplo, se recupera muchas veces, hoy otra vez, a Paulo Freire, se recupera a buena parte de los referentes, ¿no?, de la educación popular en Brasil. Et donc, par exemple, il y a l'organisation d'activités d'éducation populaire dans ces endroits, dans ces lieux culturels, notamment une éducation populaire qui revendique de nouveau à Paulo Freire, qui est le pédagogue brésilien bien connu, mais aussi une série d'autres pratiques qui avaient déjà été développées auparavant au Brésil. Y esto es quizás una de las principales lecciones de las últimas décadas en Brasil. La izquierda, el Partido de los Trabajadores, miró mucho hacia arriba, mucho al Estado, mucho a las instituciones, y dejó de mirar hacia abajo, hacia el pueblo. Et c'est vraiment l'une des grandes leçons aujourd'hui au Brésil, c'est que le Parti des Travailleurs a regardé pendant longtemps, de plus en plus vers au-dessus, vers l'État, vers les institutions, et a arrêté progressivement de regarder en dessous, vers les secteurs populaires, les classes populaires et ce genre de mouvement en lutte. En estas experiencias culturales lo que está en juego es una reconstrucción del trabajo de base, del trabajo en el territorio, de la formación política, de la política en el cotidiano. Ce qui est en jeu dans ces expériences culturelles alternatives, c'est la reconstrucción du quotidien, qui est différente et des pratiques différentes. Hay muchas otras experiencias interesantes, ¿no? Quisiera traer esas dos por lo menos para traer un poco también de cosas que no suelen llegar, ¿no?, en la media hegemónica, o no suelen llegar, ¿no?, en las noticias. Et donc voilà, ce sont deux exemples sur lesquels j'ai voulu insister, parce que c'est pas le genre de choses dont on parle dans les grands journaux, c'est pas le genre de choses qui passent dans les médias mainstream traditionnels, et pourtant c'est vraiment de là que viennent les alternatives au Brésil. El futuro está abierto en Brasil y en muchos sitios, pero solo hay un mensaje que es unísono en todo el país, y es un mensaje a los golpistas: no pasarán. Et donc il y a encore de l'espoir au Brésil aujourd'hui. Il n'y a pas que le coup d'État, mais en même temps, il est vraiment important aujourd'hui de réaffirmer très fortement et tous ensemble que le coup d'État, il y a une seule chose à dire, c'est qu'ils ne passeront pas, non pas Saran. Donc maintenant, on va passer au débat. J'invite les gens qui sont derrière à se rapprocher et à venir s'asseoir. Comme ça, on va pouvoir faire circuler le micro plus facilement. Donc oui, allez-y, vous commencez. Juste une première question, parce qu'on sait que ça joue toujours, il y a toujours un rôle important quand il y a ce type de coup d'État de l'armée. Quelle va être et quelle est actuellement l'attitude de l'armée au Brésil par rapport à cette situation nouvelle ? Las fuerzas armadas en Brasil se han mantenido un poco al margen, ¿no? De esta situación. L'armée en général s'est maintenue plutôt à côté, en marge de la situation, n'a pas été active. Hay cierta división interna dentro de la armada. Sin embargo, en ningún momento como apoyo explícito al golpe de Estado se pronunciaron. Il y a des dissensions internes dans l'armée, mais en aucun moment ils se sont prononcés par rapport à ce coup d'État. En ese sentido, es muy claro que se trata de un golpe de otro tipo, ¿no? No es un golpe donde las Fuerzas Armadas tienen un peso, sino de un golpe político orquestado a través de un instrumento jurídico. Et donc c'est très clair, le message aussi est très clair là-dessus, parce que c'est pas du tout un coup d'État militaire comme il y en a eu avant au Brésil, mais c'est un coup d'État politique qui est appuyé sur une petite raison juridique. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir ou poser une question ? Oui. Il y a les JO cet été. Et est-ce que ça va mettre un frein, entre guillemets, à cette mobilisation ? Ou est-ce que ça va, au contraire, raviver encore plus la flamme et l'envie de changer de pouvoir au Brésil ? Hasta hace unas semanas no se hablaba de los Juegos Olímpicos en Brasil, solo se hablaba de otras cosas, claro. Ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'avec ce coup d'État, c'est que depuis jusque récemment, on ne parlait pas du tout de Jeux Olympiques au Brésil. Pero seguramente las protestas sigan estos meses, y no solo por los Juegos Olímpicos, sino por el contexto político que hay, ¿no? Mais sans aucun doute, les contestations, les manifestations vont continuer pendant ces semaines et pendant ces mois, même au-delà des Jeux Olympiques, et moins parce qu'il y a les Jeux Olympiques que par le contexte qui est quand même très grave aujourd'hui. De todos modos, hay una experiencia muy interesante que de contestación a los Juegos Olímpicos. Se llama Comité Popular de la Copa y de las Olimpiadas. Et en plus, il y a une expérience très intéressante de contestation face aux Jeux Olympiques, une petite aspiration pour la France peut-être, avec un comité populaire de contestation à la Coupe du Monde et aux Jeux Olympiques, puisqu'il y a eu la Coupe du Monde aussi il y a 2 ans. Este comité está conformado por varios movimientos de base, movimientos populares, ¿no? Sobre todo movimientos urbanos que fueron afectados por los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, cuando se construyó la Ciudad Olímpica en Río de Janeiro, varias familias tuvieron que ser desalojadas de estos territorios. Et ces comités populaires ont été composés notamment de classes de familles populaires qui ont été directement affectées par les Jeux Olympiques et auparavant par la Coupe du Monde, qui ont été délogées en fait pour construire par exemple le village olympique. También hubo una obra profunda en el centro y en la parte del puerto de Río de Janeiro que de alguna manera construyó otra arquitectura urbana vinculada a una lógica de especulación y que no afectó directamente a la población, pero generó protestas importantes. Il y a aussi le cas du port, en fait, une zone qui est dans le centre-ville de Rio de Janeiro, où là aussi il y a eu tout un projet architectural très important qui a été développé, notamment basé sur un projet très spéculatif, et qui n'a pas affecté donc directement les familles pauvres, mais qui affecte directement la ville de Rio, et par rapport auquel il y a eu aussi beaucoup de manifestations. Entonces, bueno, los beneficios concretos de los Juegos Olímpicos para la población no se ven, ¿no? Simplemente se ve para los grandes empresarios en Brasil, como en casi todas las ocasiones. Donc, comme presque à chaque fois, en fait, les bénéfices pour la population de Rio, on ne les voit pas pour l'instant. Il n'y a pas de bénéfices des Jeux Olympiques pour la population de Rio. Il n'y a aucun lien qu'un débat possible avec Paris 2024, bien sûr. Une appropriation. Est-ce que c'est les États-Unis qui ont organisé ce golpe ? J'en prends une autre. Sheva fait la question en espagnol, ok ? D'accord, mais parlez bien. Comment crees que se podría apoyar desde Europa toda esta iniciativa, dado el clima de cultivo que hay ahora mismo tanto en Europa como en muchos sitios de América Latina ? ¿Crees que es mejor seguir cada uno con su lucha con una visión global o hay actos concretos que crees que se podrían hacer para apoyar a la población de allí? ¿Es que puede traducir la Sí, claro que tu dis en espagnol, espero. Et donc la question, une double question en fait, c'est que peut-on faire à partir de l'Europe pour soutenir ces manifestations et pour agir contre le coup d'État? Est-ce que le mieux c'est d'agir chacun dans nos luttes avec une vision globale, mais donc chacun à partir de nos luttes, ou est-ce qu'il y a des actions très concrètes que nous pouvons faire à partir d'ici contre le coup d'État au Brésil? Más o menos. La question des États-Unis, non? Es difícil contestar con precisión. Lo que sí hay son algunas intervenciones concretas, por ejemplo, relaciones, ¿no?, personales muy fuertes, por ejemplo, del actual presidente interino de Brasil como informante, de alguna manera, del gobierno norteamericano. Évidemment, sur la question des États-Unis, il est difficile d'avoir un jugement global et direct. C'est pas directement aussi clair que ça. Par contre, il y a quelques éléments, notamment au niveau des relations personnelles, où le président par intérim actuel a eu des liens très forts avec les États-Unis, avec des personnes aux États-Unis, et a été un informateur pour les États-Unis pendant longtemps. Pero Brasil no es América Central, por ejemplo, ¿no?, donde hay obviamente una lógica mucho más fuerte de incidencia de Estados Unidos. Mais en même temps, bien sûr, le Brésil n'est pas l'Amérique centrale où il y a beaucoup plus d'incidence directe et de pouvoir direct des États-Unis au Brésil, quand même. C'est un grand pays où c'est pas aussi clair que ça. Entonces toda la esfera de influencia es mucho más diluida y mucho más pequeña, aunque sí hay algún grado, ¿no?, de no de intervención directa, pero sí de esperanza desestabilizadora, digamos, de apoyo desestabilizador de Estados Unidos, ¿no? Et donc il n'y a pas d'influence aussi directe que ça, mais en même temps il y a tout un contexte et des choses là qui ont contribué à déstabiliser le gouvernement, une influence déstabilisatrice. Et je me permets juste de faire une petite parenthèse aussi pour dire que l'organisation des États américains a discuté justement du coup d'État au Brésil, et il y avait une grande majorité des États qui questionnaient ce coup d'État en disant que c'était quand même pas très net et pas très légal. Les États-Unis sont les premiers qui ont directement dit que c'était un coup d'État légal, qu'il n'y avait aucun problème légal par rapport à ce coup. Et donc là, avant le coup d'État, Brennan nous dit que c'est quand même... on peut se poser des questions. Après le coup d'État, c'est clair qu'il y a... que les États-Unis ont pris une position en disant qu'il n'y avait aucun problème légal pour ce coup d'État. Y bueno, la cuestión que planteabas es muy importante, ¿no? Me parece que estamos viviendo un momento hoy donde todas estas manifestaciones que están ocurriendo en el mundo, existen muchas solidaridades, pero pocas relaciones concretas entre ellas, ¿no? La deuxième question est aussi très importante, puisqu'on voit aujourd'hui plein de manifestations un peu partout dans le monde, comme ici, et où on voit bien beaucoup de mouvements, mais peu de solidarité concrète. A diferencia de otros espacios hace años, ¿no?, como el movimiento Alterglobalización o como otras redes que conectaban a América Latina con Europa, hoy la lógica, ¿no?, de solidaridad ha cambiado mucho. Et aujourd'hui, manifestement, les réseaux de solidarité ont beaucoup changé. Il y a quelques années auparavant, il y a eu des réseaux altermondialistes, comme le Forum Social Mondial, par exemple, ou des réseaux de solidarité directe avec l'Amérique latine qui n'existent plus sous ces formes-là, en tout cas pas de la même manière aujourd'hui. Pero me parece que una de las formas de colaborar y visibilizar esto es doble, ¿no? Por un lado, en nuestros lugares, haciendo actividades que visibilicen esto, y por otro, aprovechando los canales, los medios alternativos, para también enviar mensajes hacia allá, ¿no? Presionar desde aquí hacia allá para visibilizar esa situación. Mais pour répondre directement à la question, il faut utiliser deux stratégies. Il faut à la fois faire nos mouvements ici où nous sommes chacun, et en même temps aussi, et notamment grâce aux réseaux sociaux et grâce aux médias, on peut aussi envoyer directement des messages d'ici vers là-bas, vers le Brésil, pour dire qu'on n'est pas d'accord avec ce coup d'État. Et ça passe notamment par les médias. Posso falar em português? Você me entende, né? Não, eu sou do Brasil também, eu tenho acordo com o que você falou, com a sua análise. Eu acho que faltou uma coisa, não sei se você tem acordo, que é de que o grande problema hoje dos movimentos que estão surgindo contra o Temer, que estão surgindo de fato, é que eles não estão aliados ainda com a classe trabalhadora, porque seguem sendo dirigidas pelos aparatos, pela CUT, pelo MST, por movimentos que ainda estão ligados ao PT de alguma forma. Não sei se você tem acordo com isso. E você usou dois exemplos bons. Um é o das escolas secundaristas, o segundo é o do MINC, né, do Ministério de Cultura. E acho que faltou o terceiro, que surgiu esses dias, que foi o movimento de mulheres contra o estupro, que acho que foi bastante importante e tende a crescer, na minha opinião. Donc, voilà. Du coup, les sigles, j'étais un peu perdu, surtout en portugais. Mais donc, ici, l'idée, c'est de dire qu'il manquait quelque chose. Je pense que Breno en a déjà parlé aussi sur le fait que l'un des grands problèmes, c'est qu'il n'y a s'il y a une connexion compliquée aujourd'hui entre les appareils, y compris les partis protestataires, qui sont plus des appareils qui ne sont pas forcés, qui sont moins liés au secteur plus populaire. Et donc le MIG, je ne sais pas ce que c'est. Et bon, voilà, j'ai pas compris tous les sigles, désolé. Ah ouais, le ministère de la, notamment par rapport au ministère de la Culture. Bon, désolé, je serai un peu meilleur sur la réponse. Non, et l'autre era que faltaba otro ejemplo que otro ejemplo de lo que había de, que de lo que no había dicho que es la lucha de las mujeres, no, que contra lo del estupro colectivo que hubo. Oui, donc elle aimerait aussi insister sur le fait qu'une autre des luttes qui était très importante ou qui s'est redynamisée aujourd'hui après le coup d'État, c'est celle la lutte des femmes au Brésil. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dices totalmente, pero sí que cuando hacía la diferencia entre el Frente Brasil, estoy hablando en español, me esposo para que sí. Para que, bueno, por un lado estaba el Frente Brasil Popular y el Pueblo Sin Miedo, ahí hay una diferencia, ¿no? Uno está más vinculado, de hecho, al PT y a este campo, y el otro no, hay una ruptura, me parece. Dans l'ensemble, il est tout à fait d'accord, mais par contre, il insiste sur le fait qu'il y a une vraie différence entre les deux fronts, entre d'un côté le Brésil, le front Brésil Populaire, où là, il y a des vrais liens avec les organisations sociales plus traditionnelles, les syndicats, le mouvement Les Sans Terre et d'autres, et puis l'autre front qui est le Brésil Sans Peur, où là, du coup, il refuse ce lien avec ce lien organique avec des partis politiques ou avec des organisations sociales. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Oui. Allô, bonsoir. Je suis vraiment désolé parce que je viens d'arriver, je n'ai pas suivi la discussion. Je suis content d'avoir entendu ma cousine, parce que c'est ma cousine brésilienne, quelque part, c'est à côté de chez moi. C'est ce que je peux regretter dans tous ces débats qu'on a, d'un côté le Brésil, d'un côté le Pérou, d'un côté l'Argentine, d'un côté le Venezuela, c'est qu'on ne parle pas, et qu'y compris les Brésiliens qui, depuis des années, on les attend vraiment à Paris pour se joindre au cadre collectif, au cadre de lutte collective qu'on mène à Paris, en France d'une manière générale. Dans l'ordre de rassemblement collectif des différents pays, c'est que les vrais débats ne soient pas portés sur le fait essentiel, à le fait commun à tous ces coups d'État. C'est que quand on voit les coups d'État au Brésil, ce qu'on voit les coups d'État électoral en Argentine, parce que c'est un coup d'État électoral, les coups d'État en Honduras, les coups d'État au Paraguay, les coups qu'on prépare au Venezuela avec l'intervention de du commandement sud des États-Unis qui a déjà annoncé l'invasion du Venezuela pour bientôt, on ne sait pas quand, c'est que tout ça répond à la même matrice médiatique, c'est la même stratégie, c'est la même stratégie politique, c'est la même façon de renverser les gouvernements qui se sont donnés, et c'est pour la raison pour laquelle on commence à parler maintenant du plan Condor. Du plan Condor médiatique. Vous ne savez pas si vous savez ce que c'est le plan Condor des années 70. C'était un plan répressif, clandestin, secret, qui avait été mis au point au milieu des années 70 par la dictature au Chili, avec les différents gouvernements d'Amérique du Sud, pour mater toute opposition, et y compris aller séquestrer, enlever, tuer, assassiner, envoyer, jeter des avions des opposants de tout pays là où ils se trouvent. C'est-à-dire que l'Uruguay intervenait en Argentine, l'Argentine intervenait au Nicaragua, le Brésil allait séquestrer des gens, les Argentins séquestraient des exilés argentins au Brésil, les gouvernements brésiliens allaient en Argentine pour enlever, y compris des Brésiliens, on ne le sait pas. Donc c'est ça. Maintenant, on n'a plus besoin de ça, c'est un plan Condor médiatique. Et c'est ce que je conseille à tous mes camarades ici, à tous les camarades latino-américains, français, qui s'intéressent à l'Amérique latine, de s'intéresser de plus en plus, de vous informer, aller dans les réseaux sociaux pour voir comment, cette nouvelle bourgeoisie, issue de la spéculation de la finance depuis 20 ans, est en train de se construire une véritable capacité de destruction de la vie démocratique. et de présenter Dilma comme une corrompue, de présenter Cristina Fernandez comme une corrompue, de présenter Lugo comme un corrompu, de dire comme était la semaine dernière dans un débat où il y a eu... Je ne suis pas au parti de gauche, front de gauche, rien du tout. Simplement, j'ai assisté à l'émission qu'un journaliste se permette de traiter le président Evo Morales de corrompu. En ce cas, voilà. Et c'est comme ça qu'on construit et c'est comme ça qu'on bloque l'information en France. Jusqu'au point de ne pas dire, le média dit que ce qu'il y a eu au Brésil, c'est un véritable coup d'État. Organisé par des corrompus qui ne voulaient pas être jugés. C'est ça qu'il faut... c'est ça qu'il faut dire, c'est parce que tout ce qui se passe là-bas, quelque part, aura des répercussions ici, ça nous concerne aussi, dans la construction d'un monde solidaire, d'un nouveau, parce que s'il n'y a plus de gouvernement populaire et progressiste en Amérique latine, mais les rapports de force globale sera toujours des côtés du plus puissant. Il n'y aura plus personne pour s'opposer, y compris de s'opposer. De s'opposer disons, à la logique néolibérale qui se développe en Europe. Donc j'ai laissé ça à la discussion, à la réflexion. Ce n'est pas seulement le Brésil, c'est nous tous. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question, du coup ? Ou une remarque, de la même façon ? Oui ? À ce que monsieur vient de dire, je suis très contente d'entendre cette opinion parce que de toutes parts on a entendu présenter Dilma Rousseff comme une corrompue et elle vient d'être remplacée par son vice-président qui n'est pas le plus gentil sous forme de corruption. Et ici on présente aux gens les informations d'une façon très tronquée. Et je voudrais le dire parce que je suis très contente d'entendre l'écho de votre voix et je voudrais que cela se répande dans la population parce que les Sud-Américains ne sont pas que des corrompus. Et vous avez bien rappelé, et j'ai réagi également quand vous avez parlé du plan Condor, parce que effectivement, un journaliste en a parlé dernière à la radio ou à la télé. Et les gens ne savent pas ce que c'était que le plan Condor. Et vous l'avez bien expliqué, c'était un plan global, je pense, orchestré par les États-Unis, ou la finance, les États-Unis et la finance américaine, ou internationale, pour mettre, disons, en coupe réglée les États d'Amérique du Sud. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est pas une question de la conférence, mais est-ce que bon, je ne voudrais pas donner une conférence, mais donner testimoine. Je viens de l'Espagne, de Madrid, et donner testimoine d'une lutte, d'une grève de hambre, d'une grève de faim, une grève de faim qui mène déjà 20 jours pour un syndicaliste révolutionnaire qui est emprisonné. Alors simplement pour faire connaître, bon, pour donner testimoine de cette lutte qui se mène en Andalousie à présent et à Madrid. Oui, alors je profite de ce que vous dites et on va pouvoir voir ça tout à l'heure, quand est-ce qu'on pourrait le mettre en place. J'en profite pour dire qu'en effet, tous ceux qui souhaitent intervenir sur, ça peut être des connaissances, mais aussi quelque chose de pratique, une passion, un voyage, vous êtes vraiment les bienvenus à venir nous voir là et puis on vous inscrit dans le cahier pour la semaine prochaine, par exemple. C'est vraiment voilà un lieu super pour faire ça et donc vous êtes vraiment les bienvenus pour venir proposer des interventions. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Parce que là, on arrive sur la fin, donc sinon, l'intervenant va conclure. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir par rapport au thème qui a été abordé ? Oui, allez-y. Bon, je suis évidemment d'accord avec le fait que le Brésil a été confronté avec un coup d'État. Mais est-ce que ce coup d'État, même s'il n'y a pas eu directement peut-être de corruption au niveau de la direction du Parti des Travailleurs, est-ce que ce coup d'État n'a pas été aussi favorisé par une politique qui partait vers une politique plutôt néolibérale ? Que acaso no ha sido favorecido ese golpe de Estado por la política neoliberal del PT, de la corrupción del PT ? C'est ce qu'il avait dit. Sí, yo creo que tiene algo que ver con esto, ¿no? Porque a partir del momento en que hay un escenario donde el gobierno es muy impopular, como era el Partido de los Trabajadores. Je pense tout à fait que c'est lié à ce que vous venez de dire, parce qu'à partir du moment où il y a un gouvernement qui est tellement impopulaire qu'est le Parti des Travailleurs et qui a un peu déçu sa base sociale. En el que ha habido de hecho muchos escándalos de corrupción y una política muy antipopular en algunos sentidos y tampoco que no contentaba totalmente ya los intereses del gran capital. C'est un gouvernement en fait qui est dans lequel il y a le parti, le PT, il y a eu énormément de corruption dans ce parti. En plus, il y a eu aussi un gouvernement qui n'a pas que des politiques populaires en fait et qui en même temps ne contentait pas non plus le grand capital. Esto facilita de alguna manera, ¿no?, el trabajo de este tipo de actitud golpista, que sigue siendo impopular y sigue siendo ilegítima. Et donc évidemment tout cela c'est un contexte qui est assez favorable à ce coup d'état et en même temps il faut bien insister sur le fait que le coup d'état lui-même reste impopulaire et illégitime. Una conclusión. Bueno, simplemente agradecer a todos por las cuestiones y pedir, ¿no?, la solidaridad también con Brasil, con lo que está pasando, acompañar las experiencias. La Comisión Internacional de Nuit de Bubas también aumentar un poco la cartografía de las experiencias de allá, vamos a hablar, y para cualquier cosa seguimos juntos en la lucha. Et donc voilà, pour conclure, merci beaucoup à tous, merci pour votre participation et aussi pour la solidarité qui peut être exprimée, qui est vraiment importante d'exprimer une solidarité ici en France avec les mouvements populaires au Brésil, avec ces mouvements aussi qui sont moins visibles parfois dans les médias comme ceux de ces écoles dont il a parlé, et aussi bien sûr le fait de dire que nous sommes contre ce coup d'état. Et donc là, il va en discuter notamment avec la Commission internationale, donc on espère qu'il y aura d'autres actions sur la place en solidarité avec le Brésil dans les prochains jours. Merci. Merci beaucoup à tous les deux pour l'intervention et pour la traduction. Merci.